Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1606. Tell me, my daughters. Since now we will divest us, both of rule, interest of territory, cares of state. Which of you, shall we say, doth love us most? Qu'est-ce donc que ce roi lire? Une tragédie? Une comédie? Une cochonnerie? Assurément la pièce que viennent de présenter William Shakespeare et la troupe des Kingsmen au palais de Whitehall à Londres est la première à se situer dans une Grande-Bretagne aussi archaïque. Et le résultat est particulièrement barbare. Notamment cette scène où le comte de Gloucester se fait énucléer par un serviteur du duc de Cornouailles. Il faut dire que ces derniers temps, la tendance au théâtre élisabétain était au style Sénèque. Violence et cruauté à tous les étages. Je vous sers depuis mon enfance, mais maintenant je vous ordonne d'arrêter. Après une série de comédies suivies de pièces historiques et de tragédies inspirées des précédents monarques d'Angleterre, voire de généraux italiens dans Othello, voilà que ce William Shakespeare nous embarque 800 ans avant notre ère. Il n'y a pas de dieu, mais des dieux, et le roi Lear délire. Vas-y, Luxure, belle-belle, regardez-moi cette mijaurée dont le visage annonce la neige entre ses cuisses. Un discours de fou qui donne libre cours à des envolées pornographiques et même scatologiques. Et pour qui me prends-tu? Pour une crapule, une infâme, orgueilleuse et frivole crapule. Un gueux qui n'a que trois hardes et qui pue dans ses bas de laine. Un fils de pute, narcisse et mielleux. Un coquin qui fait le délicat. Un esclave et un lascar, prêt à faire le macro. Et qui n'est rien qu'un concentré de crapule, de lâche, le souteneur et le fils d'une chienne. Obscène et barbare, nourri d'intrigues biscornues, et qui plus est dans cet affreux dialecte, la pièce a peu de chances de séduire les esprits raffinés. Elle ne semble en outre respecter aucune règle, ni aucune distinction de genre. Kill thy physician and thy fever stow upon the foul disease. Revoke thy gift, or whilst I can vent clamor from my throat. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, 4 siècles plus tard, c'est que tous les défauts, entre guillemets, du roi Lear constituent précisément sa grandeur. Et la force de la pièce aura mis d'autant plus de temps à être perçue qu'elle était bridée. Jusqu'en 1841 en Angleterre, et bien plus tard en France, ce n'est pas Shakespeare qui était joué, mais un roi Lear adapté, expurgé, uniformisé et simplifié. Or, en transcendant toutes ces limites du goût, le roi Lear originel s'est révélé la meilleure tragédie que personne ne pourra jamais écrire, selon l'immense critique Georges Bernard Shaw. Jean-Michel Desprats, traducteur shakespearien. On pourrait résumer les choses en disant que Hamlet a été la pièce la plus estimée, la plus considérée au 19e, et que aujourd'hui, de très très loin, c'est le roi Lear qui nous semble la pièce qui, tout en étant extrêmement archaïque, est de très loin la pièce qui nous paraît la plus moderne. De par l'alliance des genres entre le tragique et le grotesque, de par le fait que c'est la grande pièce de la folie. Il y a 3 fous, un fou au sens démence, le roi Lear, qui tombe dans une crise. Il y a le fou professionnel, qui fait semblant d'être fou, et qui en fait, en anglais, fool, ça veut dire imbécile. Et puis il y a la folie simulée, Edgar, qui, pour échapper aux poursuites, se déguise en fou. Donc c'est la grande pièce de la folie, c'est une grande pièce philosophique. Michel Foucault. Au XVIe siècle, au début encore du XVIIe siècle, on peut dire que la folie vivait à l'état libre dans la société. Le fou avait sa place, la folie avait son rôle, elle était chargée souvent de dire la vérité, de manifester paradoxalement la raison. Et voilà qu'au milieu du XVIIe siècle, on la supprime. On la supprime et d'une façon institutionnelle très curieuse. Toute une sorte de sensibilité sociale se crée à ce moment-là. Une sensibilité sociale qui n'est pas tellement la sensibilité à la folie que la sensibilité à tout ce qui pourrait gêner ou entraver l'établissement de l'ordre bourgeois tel qu'il est défini par le mercantilisme du début du XVIIe siècle. Je ne voudrais pas être fou. Ciel clément, laisse-moi ma raison. Le roi Lear, subversif et hybride, profondément inclassable, contient en lui une pensée qui nous mène au moins jusqu'à Michel Foucault, en passant par le Dieu est mort de Nietzsche. L'élément le plus important, je crois, aujourd'hui, c'est que c'est une pièce sans Dieu. Alors que les grandes tragédies shakespeariennes font appel à un surnaturel, Hamlet avec le spectre du roi, Macbeth avec les sorcières, il n'y a pas de Dieu dans le roi Lear, à cause, au départ en tout cas, de la date à laquelle la pièce est censée se situer. Donc ce sont les dieux qui sont invoqués, les dieux païens on suppose, tout autant que God. Et la caractéristique majeure, ce qui en fait une pièce très moderne, sans la solliciter outre mesure, c'est que les dieux ne répondent pas. Attention ! Attention ! Chut ! Et plus que tu ne montres, parle-moi que tu ne sais, prête-moi que tu n'as. Il est ventriloque. Chevauche plus que tu ne marches, apprends plus que tu ne crois, risque moins que tu ne gagnes. Ventriloque ou vitranloque, Trocanville, vilain troc. C'est proche du théâtre de l'absurde de Beckett, sur le sens même de l'existence, puisque c'est une existence que les dieux ne cautionnent pas, ne critiquent pas, ils sont absents du monde. Les hommes se débattent avec leur douleur individuelle, avec une apparence structure de moralité médiévale, c'est-à-dire les bons et les mauvais, et en fait une dialectique beaucoup plus complexe. L'inanité du pouvoir, cette humanité réduite à des oiseaux de proie, à des bêtes qui s'entre-dévorent, c'est quand même un peu l'image du XXe siècle, sans parler du XXIe qui s'annonce encore pire. Théâtre de l'absurde sur le sens de l'existence. Philosophie de la rupture permanente. Violence archaïque, y compris sexuelle. Histoire parallèle, mélange des genres et des registres, ça ne vous rappelle rien? Si Shakespeare alimente toute la future dramaturgie des séries, le roi Lear donne sa source à la plus shakespearienne d'entre elles, Game of Thrones. Winter is coming.